بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Donc dans le dernier on avait pris les shurut de la salah. Alors on va prendre quelques questions, enfin plutôt quelques masaïl. Et dans le dernier suivant, Inch'Allah, on prendra les arkan, les piliers de la salat, Inch'Allah. يقول في المسألة 70، يقول رفع اليدين في الصلاة في 4 مواضع، que on lève les mains dans 4 moments de la salat. وهذا مبني على حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أو بل عفوا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. السلام عليكم، كيف حالك؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يدي حذو منكبي، وإذا ركع رفع يدي، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، وإذا وكان ابن عمر يفعل ذلك، متفق عليه. نص حديث ابن عمر il dit que le prophète عليه الصلاة والسلام lorsqu'il est rentré en salat, disait le takbir, ce qu'on appelle takbiratul ihram. Et ça, c'est parmi les piliers de la salat. On en reparlera, Inch'Allah, le fait de dire Allahu Akbar. Et il disait qu'il levait ses mains à hauteur des épaules. Et lorsqu'il s'inclinait, il levait les mains. Et en se relevant, en disant « Sami Allahu liman hamida », qu'Allah exauce celui qui le loue, dans le sens de entendre, mais là ici, ça, le terme c'est entendre, mais le mana c'est exauce, qui répondent en fait. Il levait les mains. Taïeb, bon, on disait Samia Allah liman hamida, il levait les mains. Et également, lorsqu'il se relevait de la deuxième raka'at, il levait les mains. Et Abdullah ibn Omar en faisait ainsi. Donc là, vous avez les moments connus et authentiques du levage des mains. D'autres hadiths sont venus pour d'autres moments sur lesquels il n'y a pas unanimité quant à leur authenticité, mais celui-ci, c'est la base. C'est la base. De lever les mains à ces 4 moments-là. ثم يقول في المسألة 71 مسألة وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى placer sa main droite sur sa main gauche dans la salat. والدليل هو حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون أن يدع الرجل اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Donc ce noble sahabi رضي الله عنه, il dit qu'on ordonnait aux gens que la personne lors de sa salat place sa main droite sur sa main gauche. Et il attribue cet ordre au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par le Bukhari. Donc comme vous le voyez, ce que le sahabi a rapporté là est authentique. Et il y a d'autres hadiths qui sont venus. Donc faire la salat les bras ballants n'est pas une sunnah. Du tout. Et quant à ce qui a été rapporté, que chez ceux qui s'apparentent au madhab malikite, as-salat al-mursal, ce qu'on appelle mursal, c'est le fait d'avoir les bras ballants, et que ces gens-là s'affilient à l'imam malik, et qui font la salat avec les bras ballants également. Sachez que l'imam malik, rahimahullah ta'ala, lui était d'avis qu'il fallait mettre les mains, la main droite sur la main gauche, car ce hadith, je ne sais pas si c'est celui-ci ou un autre, dans le Muwatta, dans son fameux livre, il le rapporte. Donc il est certain qu'il ne va pas rapporter un hadith qu'il ne considère pas comme étant authentique. D'ailleurs, le Muwatta de l'imam Malik, avant que Sahih al-Bukhari n'existe, et Muslim Kazalik, l'imam Shafi'i disait qu'il ne connaissait pas de livre plus authentique que le Muwatta de l'imam Malik. Donc l'imam Malik, son avis, c'est celui-ci, celui qui est conforme à la sunnah, de mettre la main droite sur la main gauche. Et quant à dire ce qu'il a été rapporté de lui, qu'il aurait fait la salat les bras ballants, ce que les savants ont rapporté, c'est qu'il avait été frappé en prison. Et suite à ses blessures, il n'était pas en mesure de garder la posture, de mettre sa main droite sur la main gauche. Ah, grave. Donc c'était pas dans l'incapacité, et non pas dans le fait de faire cela dans l'optique d'en faire une sunna ou autre. Comme a dit Ta'ala, « وَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ » Écrignez Allah comme vous le pouvez. Donc lui, à ce moment-là, il était dit qu'il ne pouvait pas tenir ses bras. Hadha. Et aussi, cette façon de faire la salat, c'est celle qu'on va trouver chez les Shia. Par exemple, au Yémen, dès qu'on voit une personne qui fait salat comme ça, c'est qu'on a affaire à un Shia, un Shiite. Ça peut être un Zaydi, ça peut être un Shiite, et ça peut être un Rafidi. Car au Yémen, le madhab dominant, c'est le madhab Shafi'i. Donc eux, ils ne sont pas de cet avis-là de faire la salat les bras ballants. Pour ceux qui suivent un mazhab là-bas. Donc quand vous voyez des gens faire la salat comme ça, vous avez affaire à des gens du tashayyu'a. Ce qu'on appelle en français du chiisme. Donc c'est ça la sunnah. Donc vous voyez bien quand les hadiths ils sont clairs, simples, il n'y a pas lieu de polémiquer ou d'en faire un tas de débats. Il suffit juste d'agir. La religion, elle est facile. Et elle est claire. Bifadlillahi ta'ala. ثم قال في المسألة الثانية وسبعين لافوكاسيون طيب أصح دعاء في الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام. Donc l'invocation la plus authentique comme invocation en début de salat, c'est-à-dire avant de commencer l'istiaza, al-basmala, al-fatiha, il y a un dua à faire. Bien sûr, ce doa n'est pas obligatoire, mais il est meilleur. Et on ne se passera jamais assez d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha mimma qala Abu Huraira radiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana yaqul Allahumma ba'id bayni wa bayna khataaya kama ba'adta bayna al-mashriq wal maghrib. Allahumma naqqini min al-khataaya kama ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. Donc en fait Abu Huraira, il a interrogé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam en disant: je constate que avant que tu ne récites, tu t'arrêtes un moment et que tu parles, que dis-tu? Et là le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné cette invocation qui veut dire: je dis, ô Allah, éloigne-moi de mes péchés comme tu as éloigné l'Orient de l'Occident. Ô Allah, purifie-moi des péchés comme l'est le vêtement blanc de la souillure. Et je pense que ce serait plutôt comme... traduction là... Yunaqqa... Allah, le sens il est correct, mais c'est pas trop trop fidèle au terme employé. Mais le sens, c'est ça. Et, ô Allah, lave mes péchés par l'eau, la neige et la grêle. Et il y a d'autres doa qui sont venus, mais celui-ci est le plus authentique. Et il a été rapporté par Al-Bukhari au Muslim, selon Abu Huraira, radiyallahu anhu. Et on répète que ce doa n'est pas obligatoire, mais c'est une sunna mu'akkada. Une sunna qui est sûre que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait pour coutume de faire, et qui était connu. Et bien sûr, ce doha, on le fait à voix basse. On le fait à voix basse, on ne lève pas la voix. Mais par contre, pour qu'un doha, ou on va dire un zikr, soit pris en compte, il faut que les lèvres bougent. Al-zikr, yakoun bi tahrik al-shafatayn, wa taban al-lisan. Parce que des gens, des fois, ils ne bougent pas, ils ne disent rien, ils disent « j'invoque Allah azawajal en moi ». Là, un zikr, tayyib, faut que les lèvres bougent. Même s'il n'y a pas de son qui sort, faut qu'au moins que les lèvres bougent. ثم يقول في المسألة الثالثة وسبعين قبل قراءة الفاتحة avant de réciter la فاتحة يستعذ بالله من الشيطان الرجيم وسمي الله أو سمي نعم سمي الله سرا. Donc avant de réciter la فاتحة أولا tu cherches protection auprès d'Allah contre le shaitan ar-rajim. Et tu fais la basmala, le fait de dire bismillahir rahmanir rahim, tu la prononces également à voix basse. Et le dali de l'isti'adha, wa qul Allah azza wa jal, fa idha qara'ta al-Qur'an fasta'iz billahi minash shaitanir rajim. Et lorsque tu récites le Coran, demande protection auprès d'Allah contre le shaitan lapidé. Sourate An-Nahl, les abeilles 98. Et pour ce qui est de la basmala, عن أنس بن مالك رضي الله عنه كانوا طيب أن النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر رضي الله عنه كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين وكانوا ليجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. Donc selon Anas ibn Malik, il dit que le Nabi, ainsi que Abu Bakr, ainsi que Omar, commençait la récitation de la salat par Alhamdulillahi Rabbil Alamin, qui est le premier verset de Al-Fatiha. Et dans une version, il disait qu'il ne prononçait pas à voix haute Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. C'est une masala dans laquelle il y a une grande divergence. Par exemple, nous au Yémen, et ça c'est sur le mazhab Shafi'i, c'est qu'il prononce la basmala à voix haute. Il y a plein de athar de certains de Sahaba et certains de parmi les salafs qui le faisaient. Et malgré cela, il n'y a rien avec toutes les fois où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam fait la salat avec les Sahaba en jama'a, avec tout ce qui était rapporté de lui, rien n'a été rapporté qui faisait la basmala à voix haute. Et Anas, dans ce hadith, et dans une autre version, il dit qu'il a fait la salat derrière le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et derrière Abu Bakr, et derrière Omar, et même Othman, et d'autres, et qu'il ne prononçait pas la basmala à voix haute. Donc, kazalik, ce genre de hadith ne demande pas d'avoir étudié le tamadhub ou les khilafat mutawasi'a mutakathira pour comprendre. Les choses, elles sont simples. Même si la divergence existe, et que des sahaba l'ont fait, là, on a expliqué que le coul de Sahaba devient une hujja, un argument, lorsqu'il ne s'oppose pas à un dalil. Et là, c'est le cas. Il s'oppose à un dalil. Fahimtum? Donc, par rapport à ça, on ne dit pas, oui, mais tel sahabi l'a fait. Tel sahabi l'a fait. Non, mais le Nabi Sallam ne l'a jamais fait. Il n'a jamais été apporté lui qui l'a fait. Donc, on reste sur quelle base? Man ursila ilayna, qui nous a été envoyé comme modèle, comme exemple? C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, alhamdulillah, à ce moment-là, on s'arrête là. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي من سنة الخلفاء الراشدين المهديين. طيب اي cette sunna des quatre califes est celle qui est prise en compte lorsqu'elle est en conformité avec celle du Nabi صلى الله عليه وسلم et non pas une sunna indépendante. Donc la basmala également il y a une divergence, est-ce que c'est un verset de Fatiha ou pas? Est-ce sahih? C'est que ça n'en est pas un. Mais par contre, c'est ijmar que c'est un verset dans sourate An-Naml. Mais dans les autres versets, la basmala est venue pour faire la séparation entre les surat. Naam. Donc dans la salat, cette basmala, le coul authentique et la sunnah, c'est de ne pas la prononcer à voix haute. Mais kazalik, il faut que les lèvres, elles bougent. Ensuite, yaqulu fi al-mas'ala al-khamisa wa sab'in. Étrangement, il n'a pas mis de... À cet endroit-là, ce qui aurait été évident, ça aurait été de mettre une mas'ala qui cite al-Fatiha. Comme a dit le hadith, « An-Nabal ibn Samit, qu'a al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la salat liman lam yakra bi umil kitab. » On fait riwaya fi fatiha al-kitab, qui n'est pas salat, c'est-à-dire accepté ou valide pour celui qui ne récite pas al-Fatiha. Donc la Fatiha, c'est parmi les piliers de la salat. On en reparlera, Inch'Allah, dans le Ders qui concernera cette question. Donc maintenant, c'est ta'min. Ta'min, c'est le fait de dire amin. Et ce ta'min, il a lieu justement après l'arrestation d'El Fatiha. Ah, mais si. Et ouais, en fait, c'est ça que je me disais, dans l'application, ils ont oublié de mettre Mas'ala Arabia wa Sab'in. Elle y est pas ou je l'ai sauté? Ouais. Il y a une erreur. Ça me paraissait vraiment étrange que le chien ne cite pas le Qiraat al-Fatiha. Dans le mettre en arabe, elle y est. Non, mais elle n'est pas à part. Est-ce que là, elle est dans. Là, on a 74, c'est Bard al-Istiaza ou al-Basmala. Et dans le Mutn, 74, c'est le Fatiha toute seule. En fait, il y a eu un désordre. Fahimt. Toi, elle est où, toi? Voir si c'est. Non, elle est 74, Kadarik. Ouais, mais je parle. Non, je parle. Le Tadbiq, en français, il n'y est pas. Non, en français. Eh, ouais, non. Donc voilà, il y a, ouais, les frères et les sœurs, là il y a une erreur. Donc il y a bien la mas'ala de al-Fatiha. Combien de dire à l'instant là? Yaqul ba'd al-isti'aza wal basmala ikra al-Fatiha. Donc après avoir fait l'isti'aza et avoir eu le basmala et bien sûr avoir fait le du'a d'istiftah, le du'a d'ouverture, il faut réciter al-Fatiha obligatoirement. Selon le hadith qu'on a cité auparavant, la salata liman lam yakra bi fatiha del kitab. Muttafaqun alayhi. Thumma, là on revient à la mas'ala qui est la 75e par rapport au ta'min. Le fait de dire amin. Et le dalil, c'est le hadith de Abu Huraira, radiallahu anhu, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam disait, qala al-imam, غيل المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. Et selon Aïcha, on va traduire d'abord. Donc selon Abu Huraira, radiallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit que si l'imam, celui qui préside la salat, il dit غيل المغضوب عليهم ولا الضالين, autre que ceux qui ont connu ta colère et les égarés, c'est-à-dire la fin de la Fatiha, alors dites Amin. Et selon Aïcha, radiallahu anha, an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ma hasadtukum al-Yahoudu ala shay'in ma hasadtukum ala salam wa ta'min. Que les Yahouds ne vous ont pas jalousé pour une chose comme ils l'ont fait pour le ta'min, c'est-à-dire que Allah vous a accordé et le salam qui se passe entre nous. Ils sont jaloux de nous. Et dans une autre version, le hadith, celui dont le ta'min yuwafiq ta'min al-mala'ika, ghufir lahu ma taqaddama min dhunubihi. Celui qui, lorsqu'il dit amin, son amin coïncide avec celui des anges, car les anges également disent amin, ses péchés sont pardonnés. Donc là, kazalik, il y a une mas'ala qui est venue, souvent, dans la divergence par rapport au ta'min, est-ce qu'on le dit avant que l'imam, en même temps que l'imam, ou après l'imam? Il y a une divergence sur cette question-là. Et des ulama, comme Al-Uthaymin, Ibn Baz et autres, ils disent que le hadith en lui-même, ils savent que l'Albani ne dit pas la même chose que ça, Et il y a des salafs, ils sont tous des salafs dans ce qu'ils disent. Mais ils disent le hadith, en lui-même, est explicite. Il dit, « Iza qala l'imam, ghayr al-maghdubi alayhim wa al-dhalin. » Le hadith, il dit bien que si l'imam dit cette chose-là, alors dites « Amin ». Ça amène à quoi ? Que ce hadith montre qu'il ne faut pas attendre que l'imam ait dit « Amin ». Soit, si quelqu'un le devance, je ne sais pas ce qu'il en est, mais une fois qu'il a fini le Fatiha, il est légiféré au Ma'moun de dire « Amin ». Et les autres savants, ils ne voient pas comme ça, mais ce hadith en lui-même était un argument qui est fort. Et il est clair. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de divergence quant au fait de dire « Amin ». Juste, cela se joue à quelques secondes. Mais le âge de le dire au bon moment, ça serait déjà considéré avec la sunna et aussi obtenir le pardon d'Allah Azzawajé pour les péchés antécédents, antérieurs, on va dire plutôt. Non. Adam. Donc on va s'arrêter avec ces masa'il. Et parce que la prochaine masa'ala, elle amènera à évoquer les piliers de la salat. Donc, elle mettra un ders à elle seule. فسنكتفي بهذا وسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك